Salut, c'est Mike Lécuyer pour l'émission Blues Covers. Salut toutes tous. Eh bien, encore un extrait de cet album de Skiffle Rendez-vous, on ne s'en lasse pas. Cet album s'appelle Bright Side of the Road. Et aujourd'hui, c'est le fameux Memphis, Tennessee de Chuck Berry. Ahmed Mouissi a formé le groupe vocal Powo à la fin des années 80. Et puis ensuite, il a participé à des comédies musicales. Il a participé aussi au Tour du Blues, hein, cette fameuse tournée dans le deuxième volume, je crois. Et puis enfin, plein de participations du côté de Lyon, avec le groupe Chic Tip ou dans le Blues Café Live, etc. Il participe également à l'album de Fred Chapelier, hommage à Peter Green. Et puis enfin, il se décide à publier un album en français, avec beaucoup de compositions et une reprise, Jolie Louise, du Québécois Daniel Lanois. On écoute donc Ahmed Mouissi, extrait de son album Une pinte de blues, Jolie Louise. Jolie, how do you do? Molo et Jean quitté Bordeaux. I come from Mist of Gatineau. My name is Jean-Guy Majolie. J'ai une maison à La Fontaine, where we can live if you marry me. Une belle maison à La Fontaine, where we will live, you and me. Oh, oh Louise, ma jolie Louise, ma jolie Louise. Tous les matins au soleil, I will work till work is done. Tous les matins au soleil, I did work till work is done. And one day, the foreman said, Jean-Guy, we must let you go. Et puis mon nom n'est pas bon at the mill anymore. Oh, Louise, I'm losing my head, I'm losing my head. My kids are small, four and three. Et la bouteille, cheese, mon ami. I drink them round till I can see. It helps the shame Louise does not see. Carousel turns in my head, and I can't hide, no, no, no, no. And the rage turns in my head, and Louise, I struck her down, down on the ground. I'm losing my mind, I'm losing my mind. Septembre 63, kids are gone, and so is Louise. Ontario, they did go, near la ville de Toronto. Now my tears, they roll down, tous les jours. Oh. And I remember the days, and the promises that we made. Ma jolie Louise, ma jolie Louise. Voici le grand retour d'Alex and the Moonshiners, un groupe de l'Essonne qui, après quelques années de silence, nous propose ce nouvel album Seven Year Itch avec des compos et des reprises, dont ce fameux Pretty Vacant des Sex Pistols. No, okay. 2013, le duo de l'Isère Mountain Men, composé de Mr. Matt et Barefoot Yano, s'attaque à un monument de la chanson française, Monsieur Georges Brassens. Leur album s'appelle tout simplement Mountain Men chante Georges Brassens. Il voulait être enterré sur la plage de Sète. Eh bien moi, je désire tout simplement que mes cendres soient dispersées sur Internet. Et ça rime. Voici Mountain Men, supplique pour être enterré sur la plage de Sète. La Camargue qui ne m'a jamais pardonné d'avoir semé les fleurs dans les trous de son nez me poursuit d'un zèle imbécile. Alors cerné de près par les enterrements, j'ai cru bon de remettre à jour mon testament, de me payer un codicille. Trempe dans l'encre bleue du golfe du Lion, trempe, trempe ta plume au mon vieux tabellion, et de ta plus belle écriture. Nantis ce qu'il faudrait qu'il advienne de mon corps, lorsque mon âme et lui ne seront plus d'accord que sur un seul point, la rupture. Quand mon âme aura pris son vol à l'horizon vers celle de Gavroche et de Mimi Pinson, celle des Titi, des Grisettes, vers le sol natal, mon corps soit ramené dans un sleeping du Paris Méditerranée, terminus en gare de Sète. Mon caveau de famille, hélas, n'est pas tout neuf. Vulgairement parlant, tu l'es plein comme un œuf. Et d'ici que quelqu'un en sorte, il risque de se faire tard, et je ne peux dire à ces braves gens, poussez-vous donc un peu, place aux jeunes en quelque sorte. Juste au bord de la mer, à deux pas des flots bleus, creusez si c'est possible un petit trou moelleux, une bonne petite niche auprès de mes amis d'enfance, les dauphins, le long de cette grève où le sable est si fin, sur la plage de la corniche. C'est une plage où même, à ces moments furieux, Neptune ne se prend jamais trop au sérieux, ou quand un bateau fait naufrage, capitaine crie, je suis le maître à bord, sauf qui peut le vin et le pastis d'abord. Chacun sa bonbonne et courage. C'est là que jadis, à 15 ans révolu, à l'âge où s'amuser tout seul ne suffit plus, je connus la prime amourette, Celle d'une sirène, une femme poisson. J'ai reçu de l'amour, ma première leçon. Avaler la première arête. Déférence gardée envers Paul Valéry. Moi l'humble troubadour, sur lui je renchéris. Le bon maître me le pardonne. Et qu'au moins si ses vers valent mieux que les miens, mon cimetière soit plus marin que le sien. Et n'en déplaise aux autochtones, cette tombe en sandwich entre le ciel et l'eau ne donnera pas une ombre triste au tableau, mais un charme indéfinissable. Les peigneuses sang serviront de paravent pour changer de tenue, et les petits-enfants diront chouette un château de sable. Est-ce trop demander sur mon petit lopin, planter, je vous en prie, une espèce de pin, pin parasol de préférence, qui sera prémuni contre l'insolation, mes bons amis venus faire sur ma concession d'affectueuse révérence. Tantôt venant d'Espagne et tantôt d'Italie, tout chargé de parfums, de musique jolie. Le Mistral et la Tramontane. Sur mon dernier sommeil verseront les échos de Villanelle un jour de Fandango, de Tarentelle, de Sardane. Prenant ma butte en guise d'oreiller, une ondine viendra gentiment sommeiller, avec moins que rien de costume. J'en demande pardon par avance à Jésus, si l'ombre de sa croix s'y couche un peu dessus, pour un petit bonheur posthume. Pauvre roi, pharaon, pauvre Napoléon, pauvre grand disparu, gisant au Panthéon, pauvre cendre de conséquence. Vous envirez un peu l'éternel estivant qui fait du pédalo sur la vague en rêvant, qui passe sa mort en vacances. Vous envirez un peu l'éternel estivant qui fait du pédalo sur la vague en rêvant, qui passe sa mort en vacances. C'était l'émission Blues Covers. Choo-choo.